Ich sag das ja. Was ist das? Thank you. sensorium dat je zegt dat als je geen dienst hebt gedaan, is dat het iets aan nu niet uitgegaan, maar dat is wat je zelf aan mensen aan het doen. Thank you. Oh. qui est obligé d'entrer, qui est direct, qui est international, qui est après. Par exemple, le député qui a été par la qui est en déroulé de l'entrée, soit-il qui est en place dans le cabinet, ou dans le cabinet, qui est aussi quantité, je l'ai dit, qui est en place, pour changer de manière, avoir un pied, pour un pied, pour un accès quotidien, pour un jour, thank you. Yeah. Thank you. yaratıyorum, yeri yaratıyorum ve al. Oh. Oh. Thank you. Amen. nós conduz o Brasil. Era o que tinha o nosso trabalho, era o que eu disse. Mas não era o que eu disse, era o que eu disse. Mas eu disse, mas não era o que eu disse, era o que eu disse. Era o que eu disse. Mas eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Ara çıkartırken hiç bulaşamam. Gülsün'e ben nasıl takdiri bırakıyorsam. Ay, insan çoğu sana çok gülüyorsa. Şair, hadim sana kırılmak der. Ama o ülke doğdu sene çıkarsa. Mali koydun edin kanku bırakta. Mali, mali, mali. O ne görse, o ne koştuma ki. Hangi yer akmaktır. Ana senin yer anne ötüktür. Anne ne diyeyim takdir. Thank you. Thank you.